طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ أبو عمرو عليه رحمة الله سورة قريش نعم قال وهي مكية عند الجمهور دونك هذه سورة مكية عند الجمهور c'est-à-dire la plupart des savants sont de l'avis que elle est descendue وعليكم السلام elle est descendue durant la période mécoise نعم وقال عند قوله لإيلاف قريش أي اعجبوا الاجتماع والتئام قريش c'est-à-dire l'étonnement yani, du regroupement et de l'organisation de la tribu de Quraysh. C'est-à-dire que yani, hadhihi al-qabila kanat tajtami'u 'inda tartib wa tadbir tadbir safarihim للتجارة لقصد التجارة نعم فالإيلاف هو مأخوذ من الضم والجمع كلمة إيلاف يعني c'est pris du mot ou ça sous-entend le mot rassembler regrouper نعم فقريش avant de c'est-à-dire ils avaient pour habitude de se regrouper pour s'organiser et pour Kadalika partir dans leur voyage caravanier pour le commerce. Naam. Wa 'inda qawlihi rihlatu ash-shita, rihlatu ash-shita. Rihlatu ash-shita ay ila al-Yaman. Ay ila al-Yaman. Ar-rihla ma'ruf. Le rihla c'est un voyage. الشتاء سي ما معنى الشتاء ليفر نعم الشتاء ليفر والصيف ليتي نعم ف donc pendant l'hiver eux ils partaient vers en direction du Yémen نعم وقيل لان الجو في ذلك الوقت انسب التجارة وأنسب لما يطلبون من الغرض. Et donc il a été dit que il partait vers le Yémen en hiver parce que c'était un temps ou un climat plus adapté à ce qu'il recherchait comme marchandise. نعم. وعند قوله والصيف أي إلى الشام أي إلى الشام. Donc, il partait en hiver vers le Yémen, en direction du Yémen, et en été, il partait en direction du Cham. Wa Cham, c'est quel pays le Cham? Souria. Souria, Jordan, Lebanon, Palestine. Naam, ahsantum. Souria, wa Palestine, wa Lebanon. وماذا و ايوه لا جورداني نعم اي نعم والاردن نعم طيب وعند قوله فليعبدوا رب هذا البيت اي فليوحدوا الله اي فليوحدوا الله عز وجل اي فليوحدوا الله عز وجل وهذا تفسير جيد يعني أنه فسر العبادة بالتوحيد هنا، لأن كفار قريش بعضهم كانوا يعبدون الله وفي نفس الوقت يعبدون غيره. نعم، فلو لم نأتي بمثل هذه التفسير ربما يحصل الالتباس، فهمتم؟ parce que Quraysh, la tribu de Quraysh, certains parmi eux adoraient Allah Azza wa Jal. Mais avec cette adoration, ils associaient à Allah différents associés. Naam. Donc, c'était plus correct de dire que le sens de Fali'abudu est Fali'wahidu, c'est-à-dire ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. نعم والعبادة ما هو أو ما هي et l'adoration c'est quoi le meilleur de sa définition la, yani la meilleure définition qui a été donnée pour ce mot اسم جامع لكل ما يحب الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. C'est un mot global, ismun jami'un li kulli, yani qui concernant tout ce qu'Allah aime hein, et agrée parmi les paroles et les œuvres, qu'elles soient apparentes ou cachées. Il a huna ma fi ishkal. Tayyib. طيب فالآن نريد أن نعرف الذي يقرأ القرآن بعد كل صلوات يعني بصوت واحد يعني بجماعة هذا إيش بدعة هذا بدعة هذه بدعة نعم le fait de lire le Coran en groupe après chaque prière comme le font certaines personnes هذا من البدع ça fait partie des innovations. تمام. وهل البدع يحبها الله؟ Est-ce que l'innovation Allah il adore؟ طيب. لكن قراءة القرآن عبادة؟ عبادة. طيب. On a dit que la عبادة c'est tout ce qui concerne ce qu'Allah il aime et déteste. فكيف الجمع الآن؟ لكن نريد الاتباع للرسول. طيب بس الآن الشيء فقط يعني من باب التعريف. On a dit que la ibada c'est un mot global qui englobe tout ce qu'Allah il aime. طيب. لكن لما tu vois le مبتدع et tu vois que يعني il adore Allah عز وجل. لكن بغير ما شرع. Avec quelque chose qui n'a pas été légiféré. Mais لكن son œuvre c'est quand même une ibada. Et nous, on a dit la ibada, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime, il agrée. Fahimtum al-ishkal? Hein? Mais dans ce que Allah aime, c'est ce qui est conforme à ce que le prophète nous a enseigné. Taïb, lakin, al-an, hada, c'est pas conforme à ce que le prophète il a fait. Taïb, lakin, c'est une ibada? Si tu dis que c'est pas une ibada, si tu dis que ce qu'ils font, c'est pas une ibada, donc c'est pas une bid'a. Parce que la bid'a, c'est de faire une chose. Avec le qas, comme quoi c'est une ibada. Sah ou lala? Tamam? Fa al-an, que? Hein? Faut répondre avec un dalil. Ouais. Naam? J'ai pas compris la question en fait. Ah, t'as pas compris la question? Regarde. L'innovateur, non. On dit qu'il est innovateur parce que. Voilà, il a voulu faire une adoration qui n'a pas de précédent dans la législation. Tamam? Maintenant, nous on a dit que l'adoration c'est une chose que Allah il aime. T'es d'accord avec moi? Non. Le mubtadi', l'innovateur, quand il fait une adoration, yani parce que quand il fait sa bid'a, c'est une adoration. Non, mais lui il croit que c'est une adoration. En fait, c'est pas une adoration. Voilà. أنتم مع؟ Mais pour lui, il croit c'est une adoration, mais Al-Asli, c'est pas une adoration. Par rapport à. Par rapport au... Fi Shara, c'est pas une adoration. Aïe, Ahsuntum, Ahsuntum. Shara'an, laissez bi'ibada. تمام ليست بعبادة بتاتا لأن العبادة ما ذكرنا لكم لكن لغة mais يعني donc dans la selon la législation c'est pas une adoration même si tu pourrais croire voilà c'est il lit le Coran ou là كذا ou il fait des salawat ou quoi là في الشرع c'est pas une adoration jusqu'à ce que il remplisse les chourouts de l'adoration né dans la loga mais en ce qui concerne la langue arabe c'est une adoration parce que في اللغة العبادة هو التذلل والخضوع مع المحبة. Le fait, c'est dans la Loga, la ibada, c'est le fait de faire preuve d'humiliation devant celui que tu adores et de faire preuve, Mada, d'humilité. نعم. فهمتم هذا. طيب. قال وعند قوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أي أعطاهم الله تعالى ورزقهم صنوف الثمار والفواكه. نعم. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné et leur a octroyé une diversité de fruits. نعم. Une diversité de fruits et d'autres choses. وسائر الأزواج. بدون كبير تعب ولا جهد sans que toutefois cela soit précédé d'une grande fatigue de leur part. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il leur a donné des choses sans qu'ils ne se fatiguent réellement. ومن عليهم بالأمن التام ومن حولهم كثير من الناس لا يأمنون ومن حولهم ومن حولهم كثير من الناس لا يأمنون. طيب. Et aussi, il les a comblés de la sécurité la plus absolue, alors que autour d'eux, là, beaucoup de gens ne sont pas en sécurité. نعم. فهذه سورة على قصرها عظيمة. نعم. Donc c'est une sourate, même si elle est petite comme ça, elle est pleine de sens. Naam. Pleine de sens. Allah subhanahu wa ta'ala yamunnu ala hadhihi al-qabila al-ma'roufa qabila Quraysh bima razaqahum min al-ata al-jazil wa kadhalika min al-amn. فهاتين النعمتين أو هاتان النعمتان عظيمتان. Donc le fait Allah subhanahu wa ta'ala donc il évoque les faveurs qu'il a fait à la tribu de Quraysh dans cette sourate lorsque il leur a octroyé de la nourriture et que il les a placés en sécurité. ولهذا قالوا العلماء أن آمنوا الأماكن في الأرض مكة. استدلالا بهذه السورة قالوا بعض العلماء ومنهم الشيخ العثيمين l'endroit le plus sécurisé au monde où il y a plus de sécurité c'est où مكة. فلا أعظم أمنا من هذا البقاع بتاتا. Il y a pas يعني un endroit dans le monde où tu vas sentir encore plus de sécurité. النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن الاعتداء على الأشجار والصيود وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى il a interdit qu'on transgresse le droit des arbres dans cette ville ainsi que le droit des animaux sauvages. Ils ne doivent pas être chassés. نعم. Et plein d'autres choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré spécialement pour cette ville. Ou spécialement, n'aim. Wa ayyuhuma ashaddu tahriman bayna Mecca wal Medina aw kilahuma sawa. Et quelle est la plus sacrée des deux villes entre Mecca wal Medina? Mecca. Mecca? Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ayy makan? يعني مات في أي مكان؟ المدينة. أنت مكة؟ مكة؟ مكة؟ مكة؟ كلكم مكة؟ اتفقتم، أحسنتم. نعم، مكة أعظم حرمة، أعظم حرمة من المدينة. نعم، فكذلك يعني نستفيد من هذه السورة أن من يعني من الله عليه بالأمن وكذلك بشيء من الرزق عليه ماذا؟ أن يعبد الله عز وجل وأن يطيعه وكذلك أن يعترف بنعمة الله عليه. Et donc, on prend aussi de cette sourate que quiconque, c'est pas que khas pour Mecca ou les gens de Mecca, mais quiconque, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a comblé de bienfaits, comme la nourriture, ou comme la sécurité, il se doit de remercier Allah azza wa jal ala dhalika, kif bi al-ibada. Bi al-ibada. Fal-ibada hiya a'zamu ما يبين العبد يعني شكره لربه. Donc l'adoration c'est la meilleure et la plus grande des choses avec laquelle le serviteur il va montrer sa reconnaissance à son seigneur. نعم. فكل ما رزقت في مالك في اولادك في طعامك في اي شيء من رزقك فعليك ان تستزيد من العبادة ومن الطاعة قربة لله عز وجل وشكرا له. Donc à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala il va te rajouter dans ton risque, que ce soit dans ta nourriture, que ce soit dans tes enfants, que ce soit dans toute autre chose, tu te dois de faire encore plus d'efforts dans l'adoration ainsi que dans l'obéissance d'Allah azza wa jal. وكذلك في هذه السورة إشارة إلى عظام نعمة الأمن. Et dans cette sourate aussi, il y a une indication sur le fait, le grand bienfait de vivre en sécurité. فهذا يعني لا يعدله شيء. الذي هو في مكان آمن يستطيع يعبد الله بغير خوف. مطمئن منشرح الصدر يعني مقبلا إلى ربه. بأتم الإقبال. Donc celui qui est dans un endroit sécurisé, il peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons, de la meilleure des manières, avec un cœur ouvert, يعني apaisé, tranquille. Tandis que celui qui est dans des مكان فيها تخوف فيها أشياء من ذلك فلا يعني لا يقدر على أن يعبد الله كمثل ذاك. Donc il ne pourra pas. Celui qui est dans des endroits où il n'est pas en sécurité, il ne pourra pas adorer Allah Azza wa Jal comme celui qui vit en sécurité. Naam. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma kana fi darin khawf kana al yani al madha izhar al-islam yani naqis. Yani lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait dans une terre de peur, c'est-à-dire à Mecca avant la hijra, personne ne pouvait montrer véritablement son islam. Et celui qui le montrait, il se trouvait confronté à un grand tort de la part des mouchriquins. Lakin lamma wasala ila al-Madina wa umina yani min qibal al-Ansar min al-fitan وشيء من ذلك صار يعني الدين يتقوى أو تقوى يعني lorsqu'il arrive à Medina et que les Ansar l'ont mis en sécurité et l'ont apaisé يعني ça y est يعني la religion ça a pris de la force et de l'ampleur jusqu'à ils sont revenus à Mecca comme تعلمون فاتحين. نعم ففي أي يعني الإنسان كذلك يحمد الله على هذه النعمة في أي مكان. ثم بعدين يعني لابد أن نعرف أن أماكن بلاد الإسلام على ما فيه من التعب وما فيه ربما في بعض الأحيان من نقص في الأمن فهي على كل حال أفضل من دول الكفر. يعني ليس لا يفهم من الكلام هذا أن ما يعني ما يحصل في عند الكفار من الأمن ربما يجعلنا يعني نفضل هذا المكان على أي دول من دول الإسلام. هذا غلط. Et donc il faut pas comprendre de notre parole comme quoi la sécurité qu'on peut trouver dans les pays occidentaux, dans les pays des mécréants, yani cette sécurité là, elle nous pousse à préférer ces pays là aux pays musulmans, du moment que dans les pays musulmans il y a un certain manque de sécurité, plus dans certains que dans d'autres. Non, belle. Yani, les pays musulmans, ils resteront toujours yani, afdal min dawal al-kufr. Et yani, كذلك, la sécurité que tu vas trouver dans les pays des mécréants, ce n'est pas vraiment une sécurité tam. Ce n'est pas une sécurité absolue. Bel, yani. يعني يصوروا لك أنك في أمن وإلا يعني الأمن التي تحصل عليها أو الذي تحصل عليها في دول الإسلام فهي تام يعني أمن تام. Mais au contraire la sécurité que tu vas trouver dans les pays islamiques c'est une sécurité يعني est meilleure que cette sécurité que tu peux trouver dans les pays de mécréance. نعم. على كل حال يعني هذا تعليق يسير على ما ذكره الشيخ أبو عمر ونسأل الله التوفيق وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.